Je rêve d'écrire, de collaborer, de réaliser des albums avec des genre Bryan Adams m'a tout le temps fait triper, que la gang de Bon Jovi. Tu sais, j'aimerais ça rentrer là-dedans un peu. T'sais. Je rêve de partir en voyage avec ma famille. Je rêve de mon Dieu. Je rêve d'épouser mon chum. Je rêve d'une chevauchée, ouais, de partir sur un cheval. Je rêve de faire une belle tournée en France. Je rêve de continuer cette carrière-là, ce métier-là, toute ma vie. Je rêve de toujours continuer à m'améliorer. Je rêve de pouvoir réaliser 10 millions d'affaires. Je rêve de ne pas mourir d'un cancer, d'Alzheimer, ni de toutes sortes d'affaires qui font mal, qui font angoisser. Je rêve d'avoir des enfants dans une belle grande maison avec un chien et une piscine. Je rêve de une semaine en ligne au soleil sur le bord de la mer. Je rêve de rencontrer Caetano Veloso. Oh, le rêve de Michel, tout le temps. Michel, c'est qui? Ben, c'est mon mari, mon associé. Bon, moi, j'ai un rêve, c'est vraiment de piloter. Vraiment, un jour, avoir un grand avion, puis avoir un pilote. Peut-être même les pilotes, quand même. Je peux faire les deux, là, je suis là. Je rêve d'être une meilleure personne, de m'améliorer. Je rêve d'être une meilleure personne, de m'améliorer. Je voudrais qu'on retourne au 10 septembre, puis le 11 septembre se passe pas. C'est d'avoir une semaine, deux semaines, puis bon, on allait danser. Mais je rêve que les gens retrouvent confiance. Moi, je sens que dans la population, il y a beaucoup d'inquiétude. Je ne rien faire. Oh, je rêve de finir mes jours sur une ferme. Ben, je rêve de me marier avec mon chéri. Je rêve de faire des mousses de beau. Oh, moi, je rêve d'un monde plus harmonieux, c'est officiel. Mixed in with a mixed in with a mixed in with a